Bonjour Vincent. Bonjour Doris. On se retrouve pour parler d'un livre qui s'appelle Conversation de Steve Reich. Alors, si j'ai bien compris, ce livre parle des personnes qu'il a inspirées. Alors, pas exactement, c'est en fait une suite d'entretiens que lui il a faite durant le confinement. Je sais pas, un des confinements, là, il y a quelques années, peut-être il y a 1 ou 2 ans. Et il a décidé, enfin je ne sais pas si c'est lui qui a décidé d'ailleurs, je ne connais pas la genèse du bouquin, mais visiblement il a passé beaucoup de temps à s'entretenir avec des gens avec qui il avait collaboré ou des gens qui l'avaient inspiré, enfin des gens dont il est proche mais qui sont souvent d'une génération plus jeune que lui, visiblement si j'ai regardé la liste correctement, à part peut-être quelqu'un comme Richard Serra qui est un artiste de la même génération que Steve Reich. Et c'est toute une série d'artistes et de musiciens qui s'entretiennent avec Steve Reich. Et Steve Reich, c'est un compositeur célébrissime de la musique contemporaine, minimaliste. Il est états-unien et il a une célébrité qui dépasse largement le monde de la musique expérimentale ou la musique contemporaine, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a influencé beaucoup de musiciens de la scène rock, par exemple. On retrouve d'ailleurs dans les personnes avec qui Reich s'entretient quelqu'un comme Johnny Greenwood, qui est le guitariste du groupe Radiohead, groupe anglais. Et voilà, toute une liste de gens qui sont proches ou moins proches. D'ailleurs, je vois qu'il y a des collaborateurs et des collaboratrices comme la chorégraphe Anne-Thérèse de Kersmaker, qui ne doit pas être très loin de l'âge de Reich non plus. Donc, visiblement, ça brasse assez large. Donc il faisait de la musique, Steve Reich, parce qu'il faisait quoi comme musique? De la musique expérimentale pour que ça rentre dans le cadre d'Archipel, mais quoi comme musique? Alors, d'après ce que j'ai lu, ça s'appelle de la musique minimaliste, mais pour moi, le minimalisme, ça fait référence à de la peinture au même niveau que pointillisme. Donc je sais pas trop ce que c'est en fait. Bon voilà, ouais, c'est sûr que le terme minimalisme dans le domaine musical provient du terme dans le milieu des arts visuels. Et le minimalisme dans les arts visuels, c'était un courant qui a émergé au début des années 60, dès la fin des années 50, les prémices, tout ça, et après, tout au long de la première moitié des années 60, progressivement, notamment sur la côte Est, à New York, où il y a eu toute une série d'artistes qui ont commencé à réduire énormément leur usage des matériaux, des formes, tout ça, pour faire des choses extrêmement simple, des blocs, des peintures extrêmement sobres. Et au même moment émerge ce qui est maintenant considéré comme le minimalisme en musique, mais qui est un terme qui a été employé seulement à la fin des années 70. Et le minimalisme, à l'origine, il provient plutôt d'une révolution musicale qu'il y a eu sur la côte ouest, plutôt du côté de San Francisco. Et quelqu'un qui est très très important pour l'émergence de cette pratique-là, c'est quelqu'un qui s'appelle Terry Riley, qui est un compositeur californien. Et Steve Reich et Terry Riley ont collaboré dès le début des années 60. Et au bout d'un moment, Steve Reich vient de la côte Est, il vient de l'État de New York, mais il a déménagé sur la côte Ouest et il a rencontré Terry Riley, avec lequel il collabore, et il est très inspiré par Terry Riley. Et il retourne après à New York, au milieu des années 60, et il rencontre quelqu'un qui s'appelle Philip Glass, qui devient collaborateur dans l'ensemble de Steve Reich. Et ensemble, ça crée voilà, une sorte de courant, une émergence d'une esthétique qui est une esthétique très répétitive, qui a quelque chose d'hypnotique, qui est basée souvent sur des cellules musicales répétitives et qui bénéficiait d'une couverture médiatique assez énorme dès la fin des années 70 et maintenant qui est vraiment rentrée dans l'imaginaire sonore contemporain. Je veux dire, on allume la télévision, on peut entendre des choses qui sont directement issues de cette esthétique. Là. En fait, moi je connais Philippe Glass, genre j'en ai dans ma playlist et tout, c'est super beau ce qu'il fait, c'est du piano, non? Et est-ce que ce qu'il fait, c'est du minimalisme? Alors, Philippe Glass, oui, c'est complètement du minimalisme. Et le minimalisme, ça peut être joué avec n'importe quel type d'instrument, ça peut être potentiellement même complètement électronique. Dans le cas de Steve Reich, lui, il a commencé avec des procédés uniquement sur bandes magnétiques, où il faisait notamment jouer deux loops de bandes, de boucles de bandes magnétiques qui se décalaient progressivement et qui créaient tout un univers de sons à partir de ce décalage qui créait des questions de phase. Et en fait, après, il a utilisé ces procédés purement électroniques avec de la bande magnétique, pas purement électronique parce que c'est des enregistrements de terrain qui étaient après modifiés avec ce système de loop et de boucle. Et en fait, il a commencé à appliquer ça à de la musique instrumentale. Du coup, il a commencé à faire des choses avec le piano. Après, progressivement, il a multiplié les instruments jusqu'à monter son propre ensemble. Dès le début des années 70, il fait des pièces qui sont vraiment de grande ampleur, des choses qui sont avec voilà, des fois une vingtaine de musiciens, et il a son ensemble. Et donc, du coup, c'est à peu près... voilà, il y a des violons, il y a de la voix, il y a des percussions. Il a utilisé beaucoup les percussions. Lui, il est percussionniste à la base. Et une de ses grosses influences, c'est la partie de la musique africaine, je crois, du Ghana. Et il avait fait d'ailleurs son travail de diplôme. Il était allé sur place étudier les percussions au Ghana, il me semble. Et ça a été une influence fondamentale sur son travail. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de quand même très, très, très, très rythmique dans sa musique, qui est vraiment, il y a toujours une sorte de pulse. Et c'est une musique qui avance comme ça, qui a quelque chose de très... C'est une musique très dynamique, mais qui en même temps est relativement statique, parce qu'il y a rarement des ruptures. C'est un peu comme ce que tu as entendu de Philippe Glass, j'imagine, qui est quelque chose de très beau, mais aussi très... des formes assez étendues. Irrépétitif, ouais. Il parle de quoi dans ce livre? Comment est-ce qu'il fait pour intégrer toutes les personnes dont il parle? Alors, c'est une suite d'entretiens, donc il y a des chapitres, et chaque chapitre, c'est une conversation avec telle ou telle personne. Et c'est-à-dire que là, par exemple, je vois dans la liste des personnes avec qui il s'entretient, il y a quelqu'un comme Brian Eno, il y a Richard Serra, qui est un artiste célèbre associé au mouvement minimal ou du minimalisme dans les arts visuels. Il y a David Arrington, qui est le directeur artistique et violoniste d'un ensemble californien qui s'appelle le Kronos Quartet. Et on a déjà signalé Teresa de Kersmaker, et puis voilà, il y a beaucoup de gens. Et ce qui me semble intéressant, enfin moi ce livre je ne l'ai pas lu, je l'ai juste parcouru comme ça, et ce qui me semble intéressant, c'est que Reich, qui a un parcours énorme, vraiment vraiment immense, il a composé énormément, il a eu une influence vraiment vraiment très importante sur l'histoire et le développement de la musique occidentale toute la deuxième partie du XXe siècle. Ce qui a l'air vraiment intéressant, c'est que là il a l'air de répondre de manière assez transparente, voilà, par rapport à toutes ces sources d'inspiration, comment il a composé les musiques, quelles ont été les choses qu'il pense avoir réussi ou moins bien réussi. Et je vois là, par exemple, qu'il cite des choses comme voilà, ses propres influences, comme Stravinsky ou Bartok. Et quiconque, je pense, est intéressé par le travail de Reich aura quelque chose à prendre de ce livre. Merci. Merci Doris. Archi Radio, la radio du festival Archipel, en direct de 10h à midi sur archipel.org.